Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 3 juillet son message de félicitations aux chefs d'État et de gouvernement et délégués participant au 29e sommet de l'Union africaine qui se déroule à Addis Abeba, Éthiopie. Le destinataire a affirmé que les initiatives et efforts de l'Union africaine pour régler par ses propres forces le problème interne, réaliser la paix, la stabilité et le développement socio-économique et hâter l'intégration politique et économique du continent africain inspirent la sympathie absolue au peuple coréen et à l'humanité progressiste de notre planète. Ensuite, il a exprimé du soutien et de la solidarité à la position des pays africains qui élèvent le ton en commun pour exercer dignement leur souveraineté et leur influence sur l'arène internationale et renouveler par la réforme de l'ONU la réalité inéquitable et injuste où le continent africain est exclu du rang des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Réaffirmant la volonté invariable de la Corée de développer plus activement dans tous les domaines les excellentes relations d'amitié et de coopération avec l'Union africaine et ses pays membres, il a souligné que le présent sommet sera une occasion significative pour réaliser la cohésion et la prospérité du continent et marquer un tournant décisif dans le travail à l'égard de la jeunesse.